Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et je suis très heureuse d'accueillir Dominique Boudreau. Il est coordonnateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques, le CDSP, qui se trouve au Cégep Garneau. Et le CDSP développe pour les élèves des démonstrations en sciences physiques, comme son nom le suggère. Donc des démonstrations parce que les gens du CDSP conçoivent toutes sortes de machines bizarres pour faire la démonstration de phénomènes physiques. Et ils réussissent à maintenir en haleine les élèves pendant 1h30. Alors, on va voir, ou plutôt, on va écouter, puisqu'on est à la radio, comment Dominique transpose un extrait de ses démonstrations à la radio. Bonjour Dominique. Bonjour Valérie. Donc, ça me fait plaisir d'être ici pour vous entretenir justement d'un peu de mes premières amours. En fait, je suis physicien de formation et donc j'ai voulu, pour cette chronique, vous parler de celui que l'on nomme le père de la physique moderne, c'est-à-dire Galileo Galilei, de son nom italien ou, comme on le connaît sous son nom français, Galilée. En fait, c'est lui qui serait à l'origine de la méthode scientifique comme on la pratique aujourd'hui en utilisant des modèles mathématiques et les théories en les confrontant à l'expérience. Les mathématiques n'ont pas toujours été présentes en science. En fait, pendant longtemps, on faisait des discussions sur des arguments logiques, notre vision du monde, on exposait notre vision du monde et on en discutait. On appelait les gens qui faisaient ça les philosophes de la nature. En fait, la part des mathématiques pour expliquer le monde est apparue ou a pris son essor à la Renaissance. Puis un des personnages emblématiques, justement, de cette période qu'on a appelée la Révolution scientifique, c'est Galilée. En fait, il est né en 1564 dans une Italie, justement, en pleine Renaissance. En fait, la Renaissance, selon les historiens, a commencé, justement, en Italie. Donc, l'imprimerie existe depuis peu. La découverte de l'Amérique vient d'être faite. Il y a plusieurs questions qui émergent, des erreurs que l'on observe dans les modèles astronomiques des Grecs anciens qui sont encore utilisés, mais qui prédisent mal les observations. Mm-hmm. En fait, à l'époque, comme aujourd'hui encore, quand on regarde le ciel, on voit le soleil, la lune et les étoiles tourner autour de nous. Pour ceux qui sont restés assez longtemps couchés par une belle nuit étoilée, on voit que ça tourne tranquillement. Ouais. Ben, le soleil, c'est assez évident. Mais voilà, donc tout la tourne. La lune aussi. Voilà, la lune aussi. Donc tout tourne, tout semble tourner autour de nous et donc on semble être au centre de l'univers. Mais il y a un chanoine à cette époque-là, du nom de Nicolas Copernic, qui avait imaginé un autre système dans lequel la Terre et les étoiles tournent autour du soleil. Et donc c'est le soleil qui devient le centre. C'est évidemment un blasphème pour les gens de l'Église qui considéraient que l'homme et la Terre étaient une création divine qui avait été mis, évidemment, au centre de l'univers. mais c'est aussi un blasphème un peu pour notre sens commun, parce qu'on a évidemment l'impression qu'on ne bouge pas. Donc, en fait, si la Terre tourne, pourquoi est-ce qu'on ne sent pas un vent continuellement? Comme quand on se déplace en vélo, il y a un vent, donc ça devrait être pareil quand la Terre tourne. Exactement. Pourquoi, lorsqu'on laisse tomber des objets, est-ce qu'ils tombent à nos pieds, puis ils ne tombent pas un peu plus loin? Parce que si on les laisse aller, puis qu'on tourne, ils devraient tomber un peu plus loin que nous. C'est vrai. Donc, c'est des questions qu'il y avait à l'époque. Galilée a grandi un peu dans cet univers de questionnement, mais il était d'accord avec les idées de Copernic. Il s'intéressait au mouvement céleste, mais surtout, pour tenter de prouver que la Terre tourne, il s'intéressait au mouvement des objets qui tombent au sol, ce qu'on appelait à l'époque le mouvement local. Et alors, qu'est-ce que c'était ce mouvement local? Qu'est-ce qu'on en savait à l'époque? Bien, l'autorité en la matière, c'était Aristote qui, depuis 2000 ans, en fait, avait émis cette idée-là, puis a perduré donc pendant 2000 ans. Il disait, lui, que les objets lourds, qu'on appelait graves à l'époque, d'où le nom de gravité, les objets donc lourds tombent plus vite que les objets légers. En fait, si vous parlez à des enfants, c'est souvent la conception première qu'on a. C'est un peu intuitif aussi, c'est ce qu'on se pense. Tout à fait. Donc, en fait, c'est pas bête du tout. Ça semblait avoir du sens, mais on a tous laissé tomber des objets très légers, comme une plume, une feuille, tout ça, puis effectivement, ça tombe plus lentement que des objets plus lourds. Par contre, Galilée aurait fait certaines expériences du haut de la tour de Pise, laisser tomber des objets lourds et légers, et en fait démontrer que c'est peut-être pas le cas. D'ailleurs, je vous invite à le faire si vous êtes proche de papier et livre, à prendre une feuille de papier, qu'on sait tous qui tombe relativement lentement comparé à un livre, mais si on chiffonne la feuille de papier en toute petite boule, puis qu'on la laisse tomber en même temps que le livre de papier, bien, en fait, on remarque qu'ils arrivent pratiquement en même temps au sol. Puis là, pratiquement en même temps, en fait, c'est pas évident parce que des objets qui tombent, en général, ça tombe assez vite. Et le pratiquement est important dans ce cas-ci. Galilée remarque que du haut de la tour de Pise, c'est d'une grande distance, mais les objets quand même arrivent presque en même temps au sol. Donc, dans ce cas-ci, il ne semblait pas... Ça questionne Aristote, d'abord. Et ce qui intéresse Galilée, c'est de savoir quelle est la vitesse à laquelle ces objets tombent ou quelle est la distance parcourue dans un temps X. Donc, Galilée s'intéresse à mesurer le temps de chute de ces objets-là. Mais évidemment, à l'époque de Galilée, il n'y a pas de méthode très précise. Il n'y a pas de montre à quartz. Voilà, exactement. Donc, on mesure le temps avec des sabliers, des chandelles qui, en brûlant, nous marquent le temps, mais ce n'est pas très précis. Galilée s'intéresse donc au temps que prennent les objets pour tomber, puis il va devoir inventer, en fait, une méthode, si on veut, pour mesurer le temps que ça prend à ces objets pour tomber. Une des méthodes qu'il va utiliser, c'est la clepsydre. La clepsydre qui est en fait un seau d'eau. Ouais. En fait, les Égyptiens utilisaient ça. Ça fait très longtemps que ça existe. Un seau d'eau percé dans le bas. L'eau s'écoule, puis on est capable de recueillir l'eau. Ou en fait, on peut juste utiliser le niveau de l'eau de la clepsydre en question pour mesurer le temps. Mais Galilée va utiliser ça, mais il va le faire un peu différemment. Il va commencer par déjà ralentir la chute des objets. Parce qu'un objet qui tombe à la verticale, comme on l'a vu, ça tombe, ou comme on a tous l'expérience, ça tombe très rapidement. Donc, en les mettant sur un plan incliné, en faisant rouler des boules sur un plan incliné, ça ralentit. Un plan incliné, c'est une planche en bois, simplement? Ouais, comme on a tous fait quand on était jeunes, on dit communément un jump. Hein, on met une planche à angle et donc on fait rouler des objets dessus qui tombent vers le sol. Donc, ça tombe beaucoup plus lentement. Et donc, il donne une indication sur comment il a fabriqué son plan incliné en question. On a reproduit ce plan incliné qui a une grande dimension, en fait, selon les dires de Galilée. Ça a 6 mètres de long, à peu près 3 doigts de large. Donc, c'est ce qu'il dit, 3 doigts de large. Donc, on a refait ça au centre de démonstration pour refaire l'expérience de Galilée. Ce qui est intéressant, c'est que Galilée, son père, était musicien professionnel. Et donc, Galilée était versé dans la musique. Il a donc eu l'idée de mettre des clochettes tout au long de son plan incliné, pour entendre le déplacement de la boule qui tombe ou des objets qui faisaient tomber. En les espaçant de façon égale, à intervalles de 50 cm environ, voici ce que ça donne. on l'aura peut-être... Peut-être que tu peux nous le mimer? La descente, en fait... OK. Donc, si on mettait une boule sur notre plan incliné qu'on a construit sans démonstration, on aurait un tintement des petites clochettes qui ferait... Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on remarque, en fait? Qu'est-ce que tu entends, Valérie? Ben, ça semble s'accélérer, là. L'intervalle de temps entre chaque ding-ding semble raccourcir. Voilà, exactement. Donc, en fait, l'objet accélère. Plus il descend, plus il accélère. En fait, ça, en soi, c'est intéressant parce que c'est un résultat. À l'époque, on pensait que les objets accéléraient très, très rapidement au début, puis ensuite tombaient à vitesse constante. Mais c'est pas ce qui intéresse Galilée. En fait, Galilée cherche une loi mathématique qui va lui permettre d'expliquer la relation entre le temps de chute d'un objet et la distance qu'il parcourt. Puis pour se faire ça, il va justement mesurer le temps que prend la boule pour parcourir certaines distances. Et il va comparer, il faut faire le rapport des distances et le rapport des temps qu'il réussit à mesurer. Donc, il veut mesurer ce temps-là précisément parce qu'on veut trouver une relation mathématique, donc faire des liens avec des chiffres idéalement précis. Et comment il va faire ça? Ben, il va peser le temps. Il va peser le temps. Et comment on pèse le temps? Parce que moi, quand j'utilise une balance, ça ne me permet pas de peser le temps. En effet. En fait, il va utiliser une clepsydre, justement, comme les Égyptiens. Et il va prendre soin, dans son cas, de recueillir l'eau qui coule en même temps ou dans le même temps que la boule descend le plan incliné. Donc, dans un petit récipient, il recueille l'eau. Cette eau-là est donc représentative du temps que l'objet a pris pour descendre une certaine peut-être distance. Peut-être qu'on peut la redire plus lentement, celle-là. Donc, pendant que la bille descend, là... Oui, donc on la part, mettons, on est ensemble. Tu me dis, OK, je vais partir la boule à go. Tu me dis, go. Je pars la clepsydre où je commence à remplir mon verre. Puis, quand la boule a parcouru une certaine distance, disons avec ma clochette, j'arrive à une clochette à une certaine distance, quand ça fait ting, j'arrête, je retire mon plat. J'ai donc une certaine quantité d'eau qui représente le temps parcouru par la boule dans une certaine distance. D'accord. Donc, comme c'est pas très commode de compter de l'eau puis qu'on veut avoir quelque chose de dénombrable, Galilée va peser cette eau. Puis à l'époque, on utilise le grain pour faire comme mesure de poids. Et donc, en utilisant du grain, ça peut être du grain d'avoine, un peu n'importe quoi, en utilisant du grain, on peut compter le temps. Et à ce moment-là, on le pèse, mais on le compte aussi. Et ça fait que Galilée pouvait arriver à des mesures qui étaient très précises, d'une précision de l'ordre de 3 millisecondes. Parce qu'un grain, c'est tout petit, effectivement. Parce que finalement, pour sa quantité d'eau, donc au lieu, il pouvait pas compter les gouttelettes d'eau qu'il y avait dans sa quantité d'eau, donc il a mis à côté un paquet de grains dans sa balance, puis il a compté le nombre de grains, puis donc un grain représente une fraction de seconde. Voilà. Et donc, évidemment, c'était pas une balance comme on utilise aujourd'hui, c'était une balance à plateau. Ouais. Donc, on met de l'eau d'un côté et les grains de l'autre pour balancer. Quand c'est égal, ben on a, donc la quantité de grains est égale à la quantité d'eau qui est égale à la quantité de temps. Donc, en fait, des comparaisons, c'est ce que sont les mesures, en fait, toujours des comparaisons. En faisant donc ce rapport entre différentes distances et différents temps qu'il a mesuré, il trouve une relation mathématique qui semble être la même, peu importe l'objet, et peu importe la hauteur du plan incliné. Donc, effectivement, que tous les objets tombent, d'une certaine manière, à la même vitesse. Et là, on va le voir ensemble. En fait, selon les mesures que nous, on a pris et que lui a pris, après un temps, après un temps quelconque, la boule a parcouru une certaine distance, donc une distance. Mais après deux temps, Galilée remarque que la boule parcourt quatre unités de distance. Alors qu'après trois temps, la boule a parcouru 9 unités de distance. Mm-hmm. Et donc, Valérie, quelle est la relation mathématique qui lie 1 à 1, 2 à 4 et 3 à 9? Il faut que je fasse, que je fouille dans mes souvenirs de mathématiques, mais ça ressemble au carré. Oui, exactement. Donc, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, 4 et 3 au carré, 9. Galilée venait de démontrer que la distance parcourue par un objet en chute libre est proportionnelle au temps de chute au carré, et ce, pour tout objet. Donc, il y avait une cause unique pour la chute des corps qui ne dépendait pas de la nature des corps, comme Aristote l'avait évoqué. Mais c'est cette association entre la théorie et les mathématiques, et l'expérience, expérience bien conçue évidemment, que Galilée met de l'avant à cette époque-là, et qui changera la façon de faire de la science. Mm-hmm. Aujourd'hui, la grande majorité des technologies qu'on utilise est due à ce prolifique mariage entre les mathématiques et l'expérimentation. Donc ça a complètement changé la façon des scientifiques de l'époque d'observer, d'appréhender les phénomènes scientifiques et d'essayer de les décrire, de les comprendre et de les décrire. Tout à fait. Puis on voit finalement aussi que Galilée, parce qu'on connaît Galilée parce que c'est lui qui a regardé les satellites galiléens, là, les satellites de Jupiter, mais il a eu beaucoup plus d'impact que ça dans la science moderne. Exact. D'ailleurs, ces quatre satellites, la découverte des quatre satellites faisait partie du genre de questionnement à l'époque. C'était la première fois, Galilée, que quelqu'un regardait le ciel avec la lunette de Galilée. Et donc, cette découverte des satellites montrait ou détruisait, encore une fois, les modèles des Grecs anciens, où là, la Terre était au centre et qu'il n'y avait aucun autre astre, qu'il y avait des objets qui tournaient autour. Donc là, des lunes à Jupiter, ça questionnait, évidemment. Bien, merci beaucoup, Dominique. C'était fascinant d'entendre comment Galilée a pesé le temps avec des grains de blé, par exemple. Donc, tu nous reviens un petit peu plus tard, au mois de mars, nous raconter une autre histoire du même genre. Certainement, ça va me faire plaisir. Alors, merci beaucoup, Dominique. Puis, je rappelle que Dominique Boudreau est coordinateur scientifique au Centre de démonstration en sciences physiques. Merci, Valérie. Vous écoutez CKRL au 89.1 et au retour, on part au Dunavik.